Eh bien, bonsoir. Je vois un peu plus ce soir, je suis un peu moins aveuglé. Très intéressant. Ce titre, il en intrigue plusieurs. La puissance du nom. De quel nom on parle? De son prénom ou de son nom? Ou le prénom devient-il le nom et le nom devient-il le prénom? C'est une chose qui semble avoir une importance, pour ne pas dire qu'il y a une importance sûre et certaine, puisque Daniel s'est donné comme titre aujourd'hui la puissance du nom. Mauvais, bon, est-ce qu'il y a des prénoms, des noms de prestige? Qu'est-ce qu'il y en est à propos de techniques pour essayer de trouver qu'est-ce qui fait à chacune des personnes? Vaut mieux que je reste immédiatement et que nous invitons Daniel Kemp à venir justement nous parler de ce sujet. Daniel Kemp. Es-tu au courant, Daniel, qu'il y a un technicien qui essaie d'arranger le système de son ici depuis près de 2 mois, ben vite? Oh oui. Va falloir que je m'en occupe à un moment donné. Oui, c'est parce qu'il change de technicien à peu près à tous les 2 semaines. Ça pose un problème. Mais on va y arriver. C'est assez complexe, pour dire. Alors, pour retourner à ce fameux titre qui me semble important à considérer, sa puissance, c'est le nom, c'est la clé. Est-ce que tu pourrais nous parler génériquement de cette clé? Bon, il y a un terme qui est relativement connu au niveau de la théologie catholique, c'est « les clés ont été cachées tellement bien qu'elles ont été perdues ». Ce qui fait qu'il y a énormément d'individus qui devraient normalement connaître la puissance du nom, connaître l'intelligence de ces clés, mais qui finalement, traditionnellement, continuent à employer des choses ou à répéter des choses, mais ne savent plus à quoi sert une clé ou à quoi sert un nom. On va prendre un cardinal, on va prendre un archevêque, on va prendre quelqu'un, on va l'élire pape. Lorsqu'il devient pape, on le rebaptise. Pourquoi son autre nom n'est plus bon? Lorsqu'un individu qui est chrétien devient témoin de Jéhovah, première chose, le baptême. Et un autre nom. S'il veut devenir juif, on le baptise. S'il devient disciple de Krishna, on lui donne un autre nom. S'il suit un maître près de Pondichéry ou aux Indes, quelque part comme ça, on lui donne aussi un nom, typiquement hindou. Pourquoi l'homme prend-il tant de temps à se rebaptiser continuellement à l'instant même où il suit un autre chemin spirituel? Il doit y avoir une raison. Il y a une raison. C'est qu'on esclavagit l'homme, on l'attache, on l'emprisonne chaque fois qu'il change. Chaque fois qu'un être humain se libère, il change de prison. On devrait appeler souvent, il y a l'évolution horizontale et il y a l'évolution verticale. L'évolution verticale, c'est l'évolution que la majorité des gens font sur la planète, c'est-à-dire qu'ils magasinent d'un dieu à un autre, mais finalement, en changeant de contexte, ils gardent le fondement, changent de forme, ils gardent l'intérieur, et on a plusieurs personnes qui ne se libèrent pas, mais changent simplement de prison. C'est un transfert. Le nom, c'est le problème. Ça paraît simple, le nom. Mais il faudrait préciser le nom, c'est lequel? C'est le prénom ou le nom? Le nom, bon, premièrement, le nom de l'individu, c'est le prénom. Hein? On entend les scènes claquer. Le nom de l'individu, le nom, oui. Le nom, le oui, le nom de l'individu, c'est le premier nom. C'est lui qui désigne l'individu. Le nom de famille assujettit l'individu à sa lignée familiale. Tant du point de vue social, du point de vue théologique, du point de vue émotif, et du point de vue karmique. Daniel Bolduc. Bolduc rentre dans ma maison. Allô, Bolduc, comment ça va? Je ne le traite pas en individu, je le traite en collectivité d'individus, je le traite en famille. Et plus on fait affaire à des classes sociales qui manquent d'instruction au niveau de leur cortex mental, plus ils vont s'appeler collectivement par leur nom de famille, parce que le prénom, l'individu ne le voit pas. Et on aura donc l'appellation du nom de famille bien souvent. La société, elle est faite pourquoi? Pour que l'être humain devienne son seul maître? Non. La société a bien trop besoin de la gang. Alors, quel est votre nom? Daniel Bolduc. Le gars, il écrit nom de famille, Daniel, prénom, Bolduc. Là, vous dites, non, Bolduc, Daniel. Ah. Parce que tous les formulaires sont faits de façon à ce que le nom de famille prédomine sur le prénom. Et comme ici, au centre, ceux qui s'inscrivent, ou dans l'ordinateur, c'est par ordre alphabétique de prénom. Et non pas de nom de famille. Le nom de famille, c'est le nom de vos parents, de votre lien familial. Et certains vont dire, oui, mais c'est le nom, franchement. Le nom, est-ce que ça a une si grande importance? À un moment donné, je travaillais à l'hôpital Sainte-Justine, et j'avais 18 ans, et j'avais l'idée de faire un test pour prouver aux autres. Puis finalement, je me suis rendu compte que prouver, ça ne servait à rien, surtout qu'à 18 ans, quand on inversera les chiffres à 81 ans, on va pouvoir prouver. À 18 ans, franchement, les prouver au mec. Alors, je travaillais au 6e bloc 6. 6e étage, l'aile 6. Et j'avais, sur l'étage, 4 fractures de jambes. Fracture du col du fémur. Pas du col, mais du fémur. Sur les 4, 3, et s'appelait Sylvain. Bon, alors on va dire, oui, mais si tous les Sylvains auraient eu une fracture du fémur, il y aurait un problème à Sainte-Justine. C'est évident. Mais sur le nombre de prénoms existants chez l'enfant, pourquoi, dans ce temps-là, sur 4 fractures du fémur, 3 s'appellent Sylvain? Les 3 sont tombés en bas d'un toit. Bon. L'autre, celui qui a peut-être même pas d'affaires là, peut-être qu'il est pris pour quelqu'un d'autre. Ben lui, t'as pas tombé en bas d'un toit, c'est notre qui l'a frappé. De temps en temps, j'ai observé les patients que j'avais et il y avait une correspondance souvent au niveau du nom. Mais, de quelle façon prononce-t-on les noms? Daniel, Daniel, Daniel, il y a bien des façons d'éduquer un enfant ou d'éduquer un adulte. De quelle façon on prononce votre prénom? Et là, on joue avec vos nerfs. Pourquoi? Parce que le prénom est la clé qui permet à l'extérieur de pénétrer directement dans votre âme, aller rejoindre votre ego et la manipuler comme il le voudra. Certains vont dire, oh, il n'est pas question. Facile. J'ai un papier ici, n'est-ce pas? Le technicien du son a été frustré. On va couper le son 2 minutes, amélioration garantie. Est-ce que tu es capable de boire pendant 2 minutes? Pendant 2 minutes, oui. Oui, vas-y. Il n'y en a pas pour 2 minutes. Déguste. Ah bon, ça, je peux déguster. J'ai connu une personne qui, ses parents l'avaient baptisé Idefond. Et nous annonce qu'il existe. Dans notre famille, la porte. Sérieux, hein? Il y a eu des problèmes. Il défonce la porte. Claire la voix. Chaque fois que tu la rencontres, claire la voix. Tu comprends, ça. Non, mais effectivement, c'est problématique. Quelqu'un qui s'appelle Einstein, baptisé le pas Albert. Surtout, c'est besoin de faire mathématiques. Faut au moins attendre que l'autre soit mort, mais là, il est mort. Mais ça crée des problèmes. Faudra m'avertir, hein, quand le technicien va avoir fini de biduler. Ça va? Oh! Ben, vous aurez ça enregistré. Donc, amélioration garantie. On va voir, on va commencer à crier. L'homme se nomme, il nomme les choses. Et on va dire, on nomme les choses pour pouvoir communiquer. Étoile, terre, homme, femme, enfant, intestin, estomac. Oui. Maintenant, pourquoi nous prénommons-nous toujours à partir des noms existants et toujours reliés à l'égrégore spirituel qui chapeaute notre société? Il y aura donc d'autres raisons. Je dis que le prénom est la clé qui permet à l'extérieur de pénétrer votre âme et d'aller chercher les corps sensibles de votre ego. Je me promène sur la rue et je dis « Charles est un imbécile! » Il y a quelqu'un qui va me regarder, là, pour savoir c'est qui le Charles, de façon à le rendre plus imbécile. Mais s'il y en a un Charles sur le trottoir, lui, je n'aurai pas un imbécile longtemps. Il va traverser la rue. Moi, je vais souhaiter qu'il se fasse frapper pendant qu'il s'en vienne. Parce que l'imbécile, s'il parvient sur mon côté, ça risque de pas être Charles. Donc, Charles s'identifie au mot Charles. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui s'identifie au mot Charles? Pourquoi on baptise les papes? Pourquoi on baptise l'homme? Pourquoi alors qu'il change de religion, on le baptise? Et surtout pourquoi, sur la majorité des baptistères, ça va être écrit Joseph, machin chouette, nom de famille. Ou bien Marie, machin chouette, nom de famille. Pourquoi? Les clés. Il y a à l'extérieur de ce, disons, qu'il y a quelque chose qui sphérise notre planète Terre. Il y a une sphère qui porte le nom de ciel, le nom émotif théologique de ciel. Les étoiles ne sont pas dans le ciel, elles sont dans les cieux. Ce ciel est paramétré par la couche externe d'ozone. C'est-à-dire que ce ciel est compris entre le centre de notre planète, aller jusqu'à l'extrémité de l'atmosphère terrestre. Là où il y a de la matière typiquement terrestre, une matière qui garde sa constitution dans le temps. À travers cette matière, tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé a été et est enregistré. Une cassette audio, c'est de la matière qui enregistre la voix. La cassette vidéo peut aussi enregistrer l'image. La photographie, enregistrement mémoriel photonique. Et on a d'autres formes d'appareils qui enregistrent les choses. Lorsqu'un être humain rentre, même les yeux bandés, dans un cimetière, il sent quelque chose qui est différent que lorsqu'il rentre dans une discothèque éteinte la nuit ou que lorsqu'il rentre dans une église. Ça se sent, l'atmosphère. Vous couchez dans la forêt, c'est parfait. Couchez sur une tombe, même si vous ne savez pas qu'elle est là, et vous saurez que quelque chose n'est pas juif, n'est pas catholique. Lorsque l'homme rentre dans certaines formes d'église, il y sent une différence. Rentrez dans un temple zen, vous ne sentirez pas la même chose que dans une église catholique romaine. L'atmosphère, les murs ont mémorisé l'énergie et elle les redistribue. C'est pourquoi on devrait toujours bâtir ces condensateurs d'énergie, soit en bois massif, soit en blocs de pierre massif, pas en ciment. Sauf évidemment si on le compacte et qu'on le fait sécher à froid. Dans des congélateurs. Les choses sont mémorisées. Et lorsque l'être humain apparaît, déjà un égrégore est créé. L'égrégore, c'est une enveloppe qui conserve une agglomération de mémoires similaires. Autrement dit, lorsque la Terre se refroidit, il y a dans l'atmosphère terrestre la mémorisation de cette boule de feu en train de se refroidir. Pendant longtemps, l'homme y sera assujetti et il appellera cela l'enfer. Le feu éternel. Mais l'enfer hante de moins en moins le monde parce que comme toute mémoire est assujettie au temps, elle s'oublie lentement. Lorsque l'homme vit, à partir de la Lémurie, l'homme devient sexué. En Atlantide, Noé crée un paquet d'animaux. D'ailleurs, il va en laisser quelques-uns sur les îles laboratoires où il va travailler, les îles Galapagos. Et les deux arches vont décoller et s'échouer, l'une sur le mont Ararat en Turquie et l'autre sur les terres de feu en Amérique du Sud. L'homme est de plus en plus dense et lentement commence à ressembler à ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes beaucoup plus raffinés et il nous ressemble un peu plus, tandis qu'avant, il ne nous ressemblait pas. D'ailleurs, l'humanité, dans le ventre de la mère, l'enfant passe de la fécondation jusqu'à la naissance par toutes les étapes qui ont été utiles et nécessaires à la création de ce que nous sommes aujourd'hui, à travers les quelques millions et même les quelques milliards d'années qui ont permis la constitution de notre humanité. Tout cela est mémorisé. Et lorsque des événements similaires sont émotivement transmis par l'homme d'une façon similaire, cela crée des égrégores. Lentement, le culte des ancêtres apparaît. L'assujettissement des vivants aux morts. Ils ont l'impression que ceux qui sont morts vivent à l'intérieur d'eux. Soit c'est vrai, l'homme et la femme se réincarnent de leur vivant dans leurs enfants. Mais une grande partie de l'homme gagne le monde de la mort, le ciel. Et là, elle va être assimilée par l'égrégore de la tribu pour revenir dans la tradition, se nourrir de ceux qui vivent, en demandant à ceux qui vivent de bien vouloir donner un culte à ceux qui sont morts. Le culte est la transmission émotive d'une expérience vivante vers le monde de la mort, l'égrégore. Lorsque ce culte s'assujettit à d'autres tribus, parce que lentement, des conditions de famine, des conditions de guerre, où un patriarche, un maître, un chef, un guide, un avatar, arrive à regrouper des tribus pour en faire un peuple, lentement, dans le monde de la mort, les différentes théologies tribales doivent se heurter, se battre. Souvent, on aura leur correspondance sur la Terre, il y aura des guerres tribales religieuses. Lorsque finalement l'expérience de ces guerres crée un égrégore plus puissant qui va être capable d'assimiler et de digérer les égrégores tribales, on assiste à la naissance d'une religion. Les peuples se fusionnent, les dieux se fusionnent et se hiérarchisent. Donc, dans les premiers temps, on aura un dieu majeur qui pourra être Zeus, qui pourra être Odin, qui pourra être Ra, dépendant des peuples. Ce dieu primaire ou ce dieu supérieur aura en dessous de lui, les dieux anciennement tribales qui pourront être connus comme Thor, Neptune, etc. Les hiérarchies divines, Orphée et les autres. Lentement, ces dieux vont continuer à se haïr, à se jalouser, engendrant des différents phénomènes à l'échelle de la planète. Et à un moment donné, un autre patriarche plus puissant viendra expliquer aux gens que les dieux secondaires sont des anges ou des archanges, mais qu'il n'y a qu'un seul dieu, et que ce seul dieu est le créateur de cet univers en entier. Et là, de la religion, on passe au monothéisme, du polythéisme, et on engendre une religion beaucoup plus puissante, un égrégore énergétique qui condense et conserve tellement d'énergie, mémoriellement, émotivement humaine, qu'elle devient le maître de ceux qui l'ont engendré, l'homme, et l'homme devient l'esclave des religions et des dieux. L'âme qui vient au monde, l'âme qui prend naissance dans l'enfant qui est en gestation intra-utérin, va être construit à partir de l'égrégore. Donc, l'âme sera en droit de dire qu'elle a été créée par ce dieu, et elle a raison. Mais l'homme est autre chose que de l'âme. L'homme est de l'esprit. L'esprit n'a rien à foutre avec le monde de la mort ou avec le ciel. Le Nazaréen commence par dire, lorsqu'il ne comprend pas tout, qu'il parle à son père dans le ciel. Mais à un moment donné, il se confronte à son père. On lui envoie Satan dans le désert et il le refuse aussi. Par la suite, il parlera à son père dans les cieux, au-delà du monde de la mort. Les cieux sont constitués près de notre sphère planétaire de trois niveaux. Le plus proche, le niveau supramental, appelé antiquement l'Esprit Saint, fait partie du premier palier des cieux, et c'est celui-là qui présentement chatouille les neurones de plusieurs Québécois. Et il est grand, il passe dans le monde, hein? Pardon, c'est Mario, vous pourrez le manipuler. Donc, l'âme venant au monde, l'âme prenant le complet contrôle du corps dans l'apparence se vouera à ce dieu parce qu'en échange de sa présence sur la planète, elle voudra se conserver une place prioritaire dans le ciel. Alors commence pour l'homme l'asservissement céleste. Dieu va dire à l'homme, je t'aime, mais, amour conditionnel, tu dois aller me rendre un culte deux, trois ou une fois par semaine. Tu devras m'offrir des animaux. Ceux qui te plairont le plus, donne-moi-les. Vous savez qu'un dieu créateur, habituellement, est capable de se créer des moutons que donner à l'homme. Pas besoin de les commander à l'homme. Bon. Tu devras m'offrir, selon les religions, le plus beau de tes enfants, la plus belle de tes filles, le plus beau de tes garçons, le plus beau de tes moutons, de tes bœufs, la plus grande partie de ta récolte, le ceci, le cela. Ça n'a pas été long que les prêtres ont découvert qu'ils pouvaient peut-être les bouffer avant de les donner à Dieu. Bon, dépendant des régions sociales. Alors l'homme commence à marcher à genoux. L'homme commence à marcher des dizaines et même des centaines de kilomètres pour aller dans une terre apparemment sainte, ou un jour une source qui coulait par là a guéri quelqu'un, ou bien là où le patriarche est mort, où est venu au monde les lieux saints de culte. Lorsque les religions ont besoin de plus d'énergie pour se nourrir, l'homme commencera à fabriquer les églises, quelle que soit l'église. Et évidemment, il y aura des clés à employer. La première clé va être le nom. Alors l'enfant qui vient au monde, baptise-le. Baptême veut dire immersion totale, mais lorsque j'emploie le mot baptême, je veux dire nomme-le. Les Amérindiens totémisaient. C'est la même chose que le baptême. Nomme-le. L'enfant qui vient au monde est pur. C'est évident. L'âme qui l'habite est typiquement tirée du monde de la mort. Elle n'a pas encore été entachée de l'expérience de la vie. Donc, elle est identique à ce qu'il a créé. On appelle ça pur. Mais inutile pour Dieu. Elle ne le nourrira pas. Sauf que la divinité ou l'égrégore divin, quelle que soit la religion qui vient de créer cet âme-là, ne tient pas à la perdre au détriment d'une autre religion. Alors que lorsque l'enfant vient au monde, déniaisez-vous pour le nommer. Et nommez-le d'un nom typique de l'égrégore. Si l'égrégore est juif, il s'appellera Isaac, Jacob, mais pas Daniel. C'est très con. S'il meurt, il s'en va voir le Dieu catholique. À un moment donné, la religion catholique romaine, voyant que l'humain a une tendance innée à baptiser d'une façon folle, hein, tu nais le 6 de janvier, on t'appelle Épiphanie, et là, elle avait encore à l'époque les clés, et sur le baptême, ton nom devra commencer par Joseph ou par Marie. Tu y échapperas pas. Mais après ça, le nom tu voudras. Si tu meurs, on sait où tu iras. Les prêtres savent, plus, mais ils savaient, et quelle que soit la théologie. Peut-être que certains kabbalistes savent, peut-être que certains ésotéristes savent. La majorité ont perdu les clés. Alors, à un moment donné, les égrégores devenaient suffisamment puissants qu'ils s'identifiaient, et c'est là que le Dieu portait un nom. Et le nom de Dieu devait être donné à l'homme, parce que si l'homme n'a pas le nom comme clé, ses prières ne vont jamais à la bonne place. Les forces géoviques, placées sur le plan planétaire à l'origine, mais un peu même avant l'homme, de façon à instaurer les archétypes qui gouverneront la vie spirituelle de l'homme, servira d'égrégore de nom, de façon à faire en sorte que plusieurs individus, en priant Jéhovah, canalisent cette énergie-là dans une région particulière du ciel et non pas ailleurs. Yahvé, qui vient par après, et qui doit engendrer une communication plutôt fraternelle et d'amour entre l'homme et ses divinités, restera aussi une divinité priante, et à un moment donné, on aura un peuple qui priera Yahvé. Manitou est une force tellurique qui pourra vibrer dans l'âme des naturels, de ceux qui sont le plus proches de la nature. Et cela aussi engendrera un égrégore qui présentement est presque mort, symbolisant, parce que l'humain ne le prie plus. Mais lentement, entre les différents égrégores, que ce soit Allah, que ce soit d'autres, que ce soit Rama, Krishna, Rama est un homme, Krishna est une divinité, un archétype que Rama a placé. Certains prient Rama, qui était l'avatar, comme le Nazaréen était un, comme Odin était un, comme Zarathustra était un, et d'autres prient Krishna, qui est l'égal de Yahvé. À un moment donné, dans ces ciels, on se rend compte que la place manque. Alors, chacune des divinités tente maintenant de faire une guerre entre elles. Cela va se répercuter par les croisades, par toute forme de djihad, des guerres simples, et présentement, on en a une, celle qui part avec le terrorisme international. Adolf Hitler était aussi un djihad. C'était une guerre simple, une guerre religieuse. Lentement, l'homme se voit converti à adorer un dieu, et le dieu lui dit de convertir autrui, parce que le dieu, comme l'homme, est une création émotive mémorielle, qui fait partie des sphères du monde de la mort, le ciel, et pour ne pas mourir, il a besoin d'être nourri, et plus il aura de nourriture, plus sécure il sera. Donc, mes frères et mes sœurs, allez et convertissez, c'est-à-dire ramenez de la nourriture. Plus il y aura d'humains qui vont prier ce Dieu, plus ce Dieu sera nourri et gros. Et plus il en demandera, et moins il en donnera. Ce qui est toujours le cas des religions. La religion commence, ça marche. Il y a des guérisons, ça passe des choses. Elle grossit, il y a plein de monde, on ne sent pas. Quand le monde commence à moins douter, l'égrégore dans le ciel condense son énergie, crée un ectoplasme et fait apparaître la Vierge, fait apparaître Marie, fait apparaître Krishna, fait apparaître d'autres phénomènes, de façon à raviver la foi. Ces apparitions ne règlent jamais aucun problème planétaire, elles ne font que raviver la foi et c'est tout. Et qu'est-ce que l'on dit? Chaque fois qu'il y a eu une apparition mariale, à Guadeloupe, au Mexique, que ça peut être à Fatima, ça peut être à Lourdes, ça peut être à plusieurs autres places en France. Première chose, bâtissez un hôtel sur les lieux d'apparition. Oui, on va dire. Deuxième chose, priez et repentez-vous. Placez de l'émotion sur ce que vous avez vécu. Nourrissez. Troisième chose, ça marche, ça revient plus. On nourrit. Si on doit mettre un peu plus de fièvre, 3, 4, 5 petites guérisons idiotes, c'est après ça, oubliez ça, ça marche. L'humain y croira suffisamment qu'il guérira lui-même, mais les dieux se nourrissent. Par le nom, F-O-M, le prénom. Le nom de famille vous assujettit à votre ligne karmique familiale. Votre prénom vous assujettit à un égrégore, et que vous vouliez lui échapper ou non, vous lui appartenez. Solution, changer de nom. Facile à dire, facile à faire, différents moyens de le faire et différentes raisons de le faire. Lorsque on baptise une religion, la religion catholique romaine va baptiser à partir du nom des apôtres. Lentement à partir du nom des saints, mais à partir du nom de ceux qui ont vécu et travaillé à la nourriture de ce Dieu. Les Jacques, les Jean, les Daniel, les Pierre, les Marc, les François, à cause de François d'Assise, il y en a beaucoup. Mais si on va dans une autre religion, on rencontrera d'autres noms. Et ces noms-là donnent premièrement un principe qui ressemble à celui qui a eu ce nom. Les Daniels sont des prophètes. Est-ce que tous les Daniels sont des prophètes? Non. Pourquoi? Daniel, le premier Daniel était un prophète. On le connaît avec la fosse au lion, on le connaît avec plusieurs choses. Ceux qui ont suivi qu'on a voulu baptiser Daniel avaient cette tendance prophétique. Mais certains étaient plus cons que d'autres. Alors finalement, le mot Daniel, aujourd'hui, lorsque ma mère m'a appelé Daniel, elle me mettait sur le dos non pas la puissance de Daniel le prophète, mais l'accumulation de tout ce que les Daniels planétaires avaient vécu, voilà, je me faisais manipuler par ça. Jusqu'au jour où un de mes amis m'appelle Dan. Alors là, je me coupe, je me ramasse à me relier l'égrégore des Dan. Jusqu'au jour où on le prononce différemment, où on se dit, où on se là, ou jusqu'au jour où je me m'écœure carrément, puis que je change les choses. Sachez une chose, c'est que si on vous baptise, c'est qu'il y a une raison. Lorsque le prêtre fait l'homilie post-mortem, la personne, elle est morte, pour la première fois, hélas, il nomme le nom de la personne lorsqu'il prie. Et là, il fait être sûr que l'âme, la consistance mémorielle, pas l'esprit, mais la consistance mémorielle de la personne, en va là où elle doit aller, dans le bon ciel. Le Dieu. L'homme tombe d'un ciel d'un autre, ça ne dérange pas, il est digéré de toute façon. Sauf que si, à un moment donné, vous êtes malade et que l'on veut vous guérir, il y a des humains qui prient, c'est que la prière, ça marche. Puis si il y a 3 milliards de personnes qui prient le même Dieu, en dans une semaine, la religion n'existera plus parce que le Dieu aura carrément été têté. Il n'y aura plus d'énergie. Pourquoi vous pensez que les clés vont être enchaînées au peuple? Le prêtre devrait connaître les clés. Tu veux quelque chose, va voir le prêtre. Il t'exorcisera. Il priera pour toi. Mais touche pas. Comment prier? Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Ton nom, tu le nommes quand? Ben, je ne le nomme pas. Je nomme Marie. Parfait. L'énergie que tu mets s'en va là, mais tu n'en recevras pas. Alors, on vous fait faire comme pénitence. Quoi? Vous mettez de l'énergie en banque. Mais à un moment donné, si le prêtre en a besoin pour lui ou pour un autre, il saura où aller la chercher. Lorsque le Nazaréen dit, sans qu'à liaiser sur la planète, placez donc vos trésors au ciel, pas dans les cieux, dans le ciel. Parce qu'un jour, un homme, une femme ou un enfant se lèvera debout sur la planète et ira se servir de l'énergie que vous aurez mis pour vous ou pour lui. Peut-être que cette personne, ce sera vous. mais vous devrez connaître les clés. Votre prénom est la clé qui vous permet d'ouvrir les portes de votre ciel. Vous êtes de quelque religion que ce soit, le prénom est la clé. Lorsque l'être humain prie, remercie, il donne. Il ne reçoit rien. Lorsque l'être humain met son nom, j'ai déjà dit en conférence que lorsqu'on priait pour quelqu'un d'autre, ça marchait souvent mieux. C'est sûr. Lorsqu'on prie pour quelqu'un d'autre, on a la décence de donner son nom. Ça marche souvent mieux. C'est évident. Sauf que la personne à qui vous donnez le nom était un gros problème. Fait en sorte que Daniel Bolduc, l'énergie glisse dans la lignée familiale et elle est dit tout. On n'aura pas un résultat massif. Si je dis à Daniel que tu vas t'appeler Daniel 3, ou si trois fois que je le vois, je pense Daniel 3. La journée que je prie et que je demande à ce que Daniel 3 soit guéri, Daniel 3, je sais qui je veux dire. Daniel est la clé, 3 est la mienne. Il va commencer à avoir des aspects de bons résultats. Mais là, je me sers de la clé. Je dois savoir. Certains livres antiques vont dire visualiser la personne en même temps, envoyer une photo. Ça va être bien gros à pas envoyer ton énergie pour tous les Daniel. Mais ce n'est pas suffisant, on doit avoir un nom. Et on doit évidemment prier à voix haute, c'est-à-dire pas dans sa tête, la pensée, ça ne fout rien. Et on doit finir avec le Amen québécois, celui que j'ai déjà annoncé, le « qu'il en soit ainsi ». Amen veut dire « ainsi soit-il », mais le « ainsi soit-il » n'a pas de puissance. C'est français, c'est pas québécois. La langue du Québec sera une langue extrêmement puissante pour permettre à l'homme finalement d'avoir une autorité mentale dans le monde de la mort, pour se désassujettir des misères qu'il a, et pour ordonner à ses énergies mises là en réservoir pour lui, de le servir. Le Nazaréen ne marchait pas sur l'eau pour le fun. Prenait de l'énergie où elle se trouvait et il s'en servait pour le supporter. Et l'homme doit faire la même chose. Le Nazaréen lui-même le dit. Et même s'il ne l'aurait pas dit, je le dis. Lorsque la personne a la clé et que cette clé, elle est précise, il y a du résultat. Et là, certaines personnes vont s'en aller chez eux, tout barbouillés d'enthousiasme, pour commencer à faire des prières tout plein. Tiens, écoute la cassette. Fais-tu écouter? Oui, bon. Mais peux-tu prier pour moi? Vous savez que la finalité de cette ère avant l'an 2000 et autour de l'an 2010 pour plusieurs personnes sera l'atteinte d'un phénomène, d'un axiome particulier. L'homme doit être son seul maître. Amen a été mené pour la première fois par le Nazaréen. Ainsi soit-il, et il s'adresse à ceux qui ont des oreilles. Qu'il en soit ainsi, c'est un ordre. L'homme qui prie pour recevoir ne doit rien demander, il doit ordonner. Celui qui n'a pas la puissance émotive pour ordonner à son ciel ou à son Dieu restera l'esclave de celui-ci et passera sa vie dans l'espoir d'être guéri. Et il fera un paquet de choses pour quémander l'énergie du ciel. Vous avez mis de votre énergie là-dedans. N'allez pas têter et ramper devant le gérant de banque pour faire un retrait. Retirez. Bonjour, gérant, oui. Pensez-vous que je pourrais retirer 30 piastres? Ça vous nuirait-tu bien? Le gérant... salut toujours, tu sais, quand on fait l'argent de la banque, c'est sûr. Il n'y a pas de non. Ah oui, bon. OK, je peux-tu faire un dépôt pendant que je suis là? C'est de même que l'homme prie. Certains humains vont avoir peur des foudres de Dieu. Lorsqu'un jour vous aurez la clé, transformez le Sahara en désert, sachez que Dieu ne va venir s'impliquer. Et comme le Nazaréen, vous devrez avoir la clé pour le remettre à sa place. C'est Dieu. Il y a plusieurs paliers de Dieu. Quoi? Mais le Dieu que l'homme prie est une mémoire créée par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme. Cette chose crée l'âme dans l'homme, mais cette chose n'a pas créé le réceptacle de l'âme, et cette chose n'a rien à voir avec l'esprit. Lorsque vous voulez quelque chose, sachez une chose, c'est que vous l'avez déjà. Si vous priez, c'est à l'autre Dieu que vous priez, à celui qui émotivement vous nourrit, pendant que l'intelligence manque à l'homme pour qu'il puisse comprendre son état. Les clés, on doit apprendre à les employer. Satan est une clé. Satan est une clé qui permet des choses. Je n'en parle pas ce soir parce que si la personne utilise mal, elle risque d'avoir des problèmes. Ça fait partie d'une des particularités du PMC à un moment donné, en Ajupel 4, ajustement de la pensée 4, où l'individu apprend à développer une autorité mentale dans le monde de l'astral. Mais c'est une clé. Lorsque le Nazaréen, cher suivant à peine Joseph, Jésus, fils de Joseph, arrive devant un possédé, un bonhomme, un jeune qui roule, qui bat, qui crie, qui gratte les murs, le Père vient le voir et lui dit, maître, sauve-le, guéris-le, je sais que tu peux. Ça, c'est du chantage. C'est quasiment un ordre. Et c'est bon. Alors, le Nazaréen, motivé, regarde le gars. Et il ne dit rien. Il attend. Il attend quoi? Il attend simplement de vibrer à la vibration de la chose amique, astrale, qui possède le gars. Lorsqu'il arrive à détecter la chose dans le gars, il la fait vibrer chez lui, d'où le danger lorsqu'on n'est pas prêt. Et cette vibration, il la transmet par le centre laryngé en un mot, un nom. Lorsqu'il a le nom, il a la clé. La bébite se tend, elle est faite. Alors il pourra dire, maman, sors de là et va-t'en. La bébite d'âme n'aura pas le choix parce que le Nazaréen a la clé. Le verbe, c'est la constitution sonore de l'enveloppe de l'âme d'un individu ou d'une possession. Donc, nécessairement connaissant la clé, la chose sort. Il a compris ma mêle. Il avait faim. Lorsque l'homme travaille sans la clé avec le monde de la mort, il se fait sucer son énergie. On le sait. Vous avez la foi, vous allez en mourir. Vous croyez avec une ferveur, c'est elle qui vous fait vieillir et qui vous tue. Oui, mais si on n'a pas de foi, ayez la foi, mais servez-vous-en. Si vous avez foi en Dieu, que celui-ci ait foi en vous. Un axiome évident de la conscience supramentale, lorsque l'homme arrive et qu'à un moment donné, il sait ce qu'il dit et qu'il dit « Mon Père, je veux que ta volonté soit faite », nécessairement, il devra entendre « Alors, mon fils, que ta volonté soit faite ». Sinon, il ne communique pas avec de l'esprit, il communique avec de l'astral, avec le monde de la mort. Et le monde de la mort va lui dire « Oui, ah, c'est au bout, il était temps. Fais ceci, fais cela, m'a donné une mission, sois fin, prie-moi souvent, nourris-moi. » Continuer à nourrir le monde de la mort, c'est essentiel. Donc, continuer à le remercier, c'est essentiel. Continuer à l'adorer d'une certaine façon. L'adorer, c'est mettre de l'art. L'art humain et l'émotion. Continuer à l'aimer, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que l'énergie que vous avez de trop, vous le placez là. Mais, un jour, il faudra aller le chercher. Savez-vous combien vous avez en banque? Il y en a qui sont malades, qui cherchent les médecins ou qui cherchent les cures. Pillon en banque, 3/4 complet. Il y en a qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent, et ils ont en banque tout ce qu'il faut pour engendrer une multinationale. Le problème, comment aller chercher? Dans quel compte c'est rendu? Il y a des humains qui, vous savez, il n'y a pas encore de structure, disons que l'humain actuel qui commence à connaître les premières clés ne peut pas avoir encore accès à la carte client privilégiée et le guichet automatique pyramide rapide n'est pas encore à sa hauteur. Donc, il doit prendre un chemin plus long pour avoir un résultat. Mais le résultat, il marche. Je ne vous demande pas de croire, je ne vous demande de rien faire ce soir. Et je le dis souvent, lorsqu'il n'y a pas trop de monde, je dis des choses qui sont peut-être plus intéressantes. Remarquez que le problème qu'il y a, quand il y a des congés comme ça, les gens se garochent les cassettes de réservement. Bon, ça arrive pas mal aux mains. L'équipe. La première chose, c'est que vous devez découvrir la vibration réelle de la prononciation de votre nom. Comment voulez-vous entendre votre nom? Et vous devez instruire autrui à vous appeler selon votre vibration. Il y a une chose évidente, tous ceux qui ont des noms doubles sont assujettis à deux égrégores. Ils seront souvent des personnes qui auront de la difficulté à faire des choix ou qui seront toujours instables dans leur vie spirituelle comme dans leur vie professionnelle et dans l'une comme dans l'autre. À un moment donné, l'individu doit choisir entre l'un et l'autre. Jean-Marc, Marc ou Jean. Jean-Pierre, Pierre ou Jean. Pierre se donnait toujours. Pierre s'engueulait avec Jean. C'était quand? Marc, lui aussi, n'aimait pas Jean. Alors, ça fait Jean-Pierre et c'est amusé. Jean-François, etc. Marie-Anne. Quand il y a un nom, ça marche. Quand il y a deux noms, faut vérifier, on vient pas fou avec ça, mais sachez une chose, c'est que ça marche. Et il est le temps que l'être humain passe un peu à la pratique. L'homme qui connaît la valeur de son nom devra apprendre un jour à le prononcer sans problème émotif. Quel est votre nom? Pardon? Votre nom? Daniel Kim. Qui vous écrit? Quel est votre nom? Daniel Kim. Quel est votre nom? Donnez votre nom. Certains auront de la difficulté même à se supporter. On doit apprendre à le prononcer convenablement et on doit apprendre à le supporter parce que sinon votre clé ne sert à rien. Vous avez les clés, c'est les portes que vous devez trouver. La porte, elle est simple, ordonnée. La clé, vous l'avez. Maintenant, il faut l'employer. Mais si on veut rentrer la clé par le mauvais bout, ça rentre pas. Par le travers, ça rentre pas. À l'envers, ça rentre pas. Puis si vous êtes émotif lorsque vous voulez vous servir de votre clé, c'est comme le gars qui est chaud qui veut servir d'une clé. Le trou, vous risquez de chercher longtemps. Vous remerciez, émotivisez le remerciement. C'est bon pour le monde de la mort, c'est placer votre énergie dedans. C'est essentiel à l'entretien de ce monde, pour l'instant. Mais lorsqu'on a besoin d'une chose, il y en a suffisamment de choses stupides qui manipulent l'homme. Lorsque l'être humain a une raison intelligente de changer la chose, il doit le faire. Pas le demander. Hey, vous faites plein d'erreurs sans le demander, risquez-vous donc faire des bonnes choses sans le demander. Je suis malade. Je veux être en santé parce que j'ai des choses à faire. Ou bien parce que j'ai une famille à m'occuper, ou parce que j'ai des choses à construire, ou parce que je vois la stupidité d'être malade. Mais là, c'en est assez. Alors, je me retourne vers mon égrégore. Appelez pas mon père. Si votre égrégore est judéo-catholique, c'est Dieu, mon Dieu. Alors, mon Dieu, toi que j'honore, toi que je respecte, placez-le. Je te remercie pour ceci, pour cela. Ouvrez le canal. Je suis malade. J'ai attendu et je n'ai vu aucune leçon à travers cette maladie. Je sais, pas je crois ou je pense, je sais que j'apprendrai mieux et que je serai plus efficace dans un corps en santé. Alors ce corps doit être guéri. On flatte encore un peu. Et c'est très important de commencer avec la clé. Je suis Daniel. Mon Dieu, bla bla bla bla bla bla bla. Qu'il en soit ainsi. Et juste avant de finir, on revient avec le « Je suis Daniel » en vous vibrant, vous, C'est pourquoi vous devez apprendre à prononcer votre nom devant les autres avant. Qu'il en soit ainsi, et gardez à la tête que c'est fait. Dans les premiers temps, ils vont s'efforcer de rien faire. Pour que vous compreniez bien que ça marche pas. Ils n'auront pas le choix longtemps. Parce que ce trésor est à l'homme. Mon Dieu, guéris-moi. Je sais que faut que je sois guéri. Avec de l'émotion, là, c'est comme si on essaie de rentrer à qui dans le tout, pas capable. Vous comprenez ce que je veux dire? L'homme doit savoir. Avez-vous besoin de quelque chose réellement? Oui, alors n'ayez pas peur d'aller chercher. Oui, mais si je me trompe, c'est parce que tu n'es pas sûr. Si tu n'es pas sûr, continue à mettre de l'énergie là-dedans, mais elle va pas en chercher. Attends. Puis si toute ta vie, tu n'es pas sûr, pas de problème. Ton énergie, un autre va s'en taper. Je m'abreuve, profite. L'homme nouveau. On parle de l'homme nouveau. On pourrait dire qu'il va y avoir des nouveaux noms, un nouvel égrégore, un détachement des égrégores conventionnels. Comment ça va fonctionner? Comment on va choisir le nom, son nom? Comment l'homme fait pour reconnaître sa vibration? Bon, ça que j'aime, Daniel, je te vous pose une question à toi. Bon. On recommence. Comment l'homme va-t-il faire pour reconnaître sa vibration et se nommer lorsqu'il peut le faire maintenant? Bon, présentement, on va juste parler des mauvais et des bons noms. Le mauvais nom, c'est le nom comme Kemp Daniel. Le mauvais nom, c'est le nom comme Daniel Kemp. On vous demande votre nom, nommez-vous Daniel. On vous demande votre nom de famille, OK, mais mélangez pas les deux et laissez pas les autres énergétiquement mélanger les deux. Si quelqu'un vous demande votre nom et que vous comprenez que c'est Daniel Kemp, sachez que chaque fois que vous le dites comme ça, vous instruisez le monde de la mort, de votre collectivisation. C'est enregistré dans le même regard. Quel est votre nom? Daniel. On le met dans notre famille. Kemp. Laissez-le travailler un peu. Daniel Kemp, Kemp Daniel, Charlie, Dan, Toto. Les diminutifs. Tous les surnoms qu'on donne à l'individu sont des mauvais noms. Est-ce qu'un amplificateur comme honorable ou bien honorable, son excellence? Oui, c'est intéressant. Est-ce que ça joue un rôle? Oui. Pierre-Éliott Trudeau, il n'y a rien d'autre que Pierre-Éliott Trudeau. À un moment donné, il devient premier ministre. Alors, il faut absolument qu'on le place dans l'égrégore des ministres. Pour qu'il soit protégé par cet égrégore, il aura donc les anges gardiens, c'est-à-dire les affinités grégoriennes, typiques de l'égrégore construit par les premiers ministres. Alors, en l'appelant honorable, Pierre-Éliott Trudeau, on l'associe à devenir, à dormir comme un ministre, à parler comme un ministre, puis à rencontrer les gens, puis les gens le verront comme un ministre. Il n'est plus premier ministre, on l'appelle plus honorable, quand même dans le peuple, on ne le voit plus du même œil. C'est normal, l'égrégore qui l'entoure, il lui donnera pas le même carré. Son excellence, c'est la même chose. Elle sert à quelque chose. Peut-on se servir de ça? Si tu te donnes le mot honorable ou son excellence, tu risques fortement d'être assujetti à de l'égoïdation, à un jeu de ton ego, qui te rendra orgueilleux, et étant donné que tu n'as pas l'accréditation de la masse qui supporte l'égrégore honorable ou son excellence, tu risqueras fortement de tarir ton nom. C'est comme celui qui se déclare évêque. Il faudrait qu'il en ait la gueule dans sa famille de convaincre les gens. Celui qui arrive et qui est évêque, même si on le sait pas, il n'aura pas de misère à convaincre les gens. Bon. Mauvais nom, ce genre de nom. Tout diminutif, tout surnom qu'on donne à quelqu'un, ce n'est pas bon. La mère, lorsqu'elle ou le père, lorsqu'il appelle son enfant, et l'enfant ne marche pas, bon, on parle de, par exemple, Ia Bolduc, elle n'écoute pas, Ia fait plus ça. Elle continue, Ia Bolduc. Ça, c'est se faire avoir. Le nom de l'enfant, ce n'est pas Ia Bolduc, Bolduc. Donc, c'est Ia. Si c'est Daniel, c'est Daniel, mais on ne rajoute pas l'autre nom. Et il y a plusieurs choses comme ça. Très important d'appeler les enfants par leur prénom, et c'est très important que les enfants appellent les parents par leur prénom. Papa, maman, c'est un prénom qu'on donne aux parents, et on le l'assujettit à tous les papas et à tous les mamans. Donc, nécessairement, l'enfant aura une relation avec son père d'une façon collective. d'une façon non personnalisée. Il y aura de la difficulté à avoir un contact avec. Puis plus ça va vieillir, plus l'âme de l'enfant se complète, et plus la distance va se séparer parce que l'enfant a toujours l'impression d'avoir affaire à une gang. Si son père ou sa mère, il appelle par le prénom, il aura toujours l'impression d'avoir affaire à un individu, donc à un ami. Donc, il n'y aura pas de fossé. Sauf qu'il va y avoir apparence de... lorsque l'enfant va être une maman, l'enfant va se serrer contre la main, il va avoir apparence de d'être plus près. Il s'abreuve à l'égrégore de la mère protectrice qui donne sa vie pour sauver sa progéniture. De la mère qui doit servir, qui est là que pour l'enfant. C'est l'égrégore, encore, qui nourrit le mot maman. Papa, c'est beaucoup plus valorisant, moins sécurisant. Sauf que l'enfant qui apprend à vivre une relation avec sa mère comme un ami qui lui amènera ce qu'elle peut lui amener, il lui amènera protection, etc. Mais l'enfant ne sera jamais esclave de sa mère s'il l'appelle par son prénom que les enfants qui l'appellent par le nom maman. Ça fait plaisir à la mère. Évidemment, on l'applaudit d'un égrégore collectif, parce qu'elle se sent au moins à la hauteur de la situation. Elle est maman, elle est papa, elle est grand-maman. Sauf qu'elle devrait plutôt être elle. Ce serait plus logique. Ça tarirait moins la communication entre les deux et ça permettrait aux égrégores qui manipulent les disputes et les chicanes entre les individus de ne pas pouvoir les manipuler à partir d'un paquet de choses. Si ton enfant t'appelle toujours par ton prénom puis toi par son prénom, si un jour il y a quelque chose qui va pas, les mémoires qui vont manipuler la dispute seront vos mémoires propres. S'il t'appelle ou si elle t'appelle papa, t'auras un beau petit paquet de mélange qui va venir te ramasser la mélange égrégorienne du nom, du mot-clé papa. De l'égrégore familial et aussi... Pourquoi on doit rester avec un nom? L'homme nouveau. Avant, oui. Tu parlais de nom, de bon nom, de mauvais nom. Puis parlant d'enfant, ça me fait voir qu'il peut y avoir un bon nom. Les parents peuvent donner un bon nom comme un mauvais nom. On doit toujours attendre de voir la face de l'enfant avant de lui donner un nom. On ne doit jamais anticiper un nom avant. Le visage, l'enfant qui vient au monde... La mère ou le père sera suffisamment en affinité vibratoire avec, comme le Nazarien lorsqu'il recherche quelque chose dans quelqu'un, et tu auras le mot pour la définir. Elle aura le nom. Dans une société nouvelle, ben c'est normal, lorsque l'enfant s'identifie, l'enfant nouveau, c'est entre 6 et 8 ans, il aura le droit de se trouver un autre nom. Et lorsqu'il devient adulte, il aura le trouver un autre nom. Hein? Le pape a le droit, les prêtres ont le droit, les frères. Bon, prenons l'exemple d'Alfred Bessette. Il rentre chez les frères de Sainte-Croix, alors on le baptise André, frère André. Pourquoi pas frère Alfred? Non, c'est le curé André qui l'a amené là, on va le nourrir. Frère André. Et on les baptise. Normalement, vous devrez pouvoir changer de nom à notre guise. C'est évident que pour les huissiers, ce serait plus compliqué. Bon, j'ai travaillé dans une région développée du Guatemala, et à un moment donné, il y a une personne qui passe, on demande son nom. Carla del Dia. Bon. Parfait, fait que les médicaments, le médecin la voit, il prescrit quelque chose, puis on donne pas les médicaments à la bouteille à la personne parce qu'elle est dans le marché noir. Ou bien, quatre fois par jour pendant une semaine, c'est dur à retenir, fait qu'elle prend tout d'une place, fait qu'on peut pas. Alors, on lui dit, tu repasses à toutes les 4 heures chercher une pilule. Sauf qu'elle repasse, vive-vous votre nom. Santa del Dia. Bon, là, tu fais la filière, t'es jamais venu, vous? Ah ouais, je suis venu le matin. Fait que quelqu'un parle, ah, Carla! Ah, c'est ça, Carla! Ah bon, tu peux, ah bon. Puis là, tu essaies de lui mettre un numéro après quelque chose, là, parce qu'il change de nom comme il change de chemise. Ça crée un problème. Ça va de soi. On devrait avoir comme les dieux ont. Le nom que tout le monde connaît. Le nom que le prêtre connaît. Et le nom que seul Dieu connaît, qui n'est pas révélé à l'homme. Et ça, on retrouve ça dans toutes les traditions, y compris celles catholiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le nom que tout le monde peut t'appeler comme ça, puis quand ils veulent taillir, puis te maudire, ça fait de même. Mais quand tu rentres chez toi, change de nom. Tous ceux qui taillent ne peuvent plus te rejoindre. Pourquoi pensez-vous... La femme ne peut plus avoir accès. Parce que tu rentres chez toi, tu changes de femme. Le gars qui est chanteur, qui a un nom de plume, ou l'écrivain qui a un nom de plume, tout le monde tripe dessus. Lui, il a la paix. Il y a la paix. Tout le monde devrait en avoir un non plus. C'est que je dis. On pensait que c'était seulement pour les écrivains. Eh oui, mais on pensait que les clés sont bien cachées. On les utilise. Mais, comme ça. Donc, on doit se choisir un nom, un nouveau nom. Tu as ton nom, tout le monde te connaît, carte de crédit, ton nom est dessus, tu signes ton nom est dessus, tout est parfait. À un moment donné, tu rencontres ta famille, tu rencontres tes enfants, vous voulez être ensemble. Si chacun a un autre nom qui ne sort pas de l'entourage familial, tu devrais voir la dynamique à l'intérieur de la famille. Les chicanes, t'en as plus. Les problèmes se résolvent comme ça. Ton nom, c'est Daniel, mais ton nom familial va être, par exemple, tu dois fouiller pour créer un nom neuf si t'es capable, mais ça peut être René. René dans le sens nouveau-né. Pour la deuxième fois, tu es né de nouveau. Tu es René. Tu rentres dans la maison, hein, ça va mal. Bonjour René. Je te branche immédiatement ton égrégore de liberté. Là, tu quittes toute la famille, toute la peau de ce que tu amènes de ton travail. Bonjour, tu me donnes mon nom. Je me fous de ta journée. Là, on est ensemble dans la famille. Puis tu viens de rentrer dans un autre monde. Ça paraît ce que vous voudrez. La seule chose à faire, c'est de l'essayer. Faut pas me croire, tu sais. Bon. Tu as un nom pour toi qui peut te servir. La personne transitive, la personne qui chemine vers l'homme nouveau, elle aura évidemment un nom de baptême. Ou un baptême de nom. C'est ça comme bon. À un moment donné, elle va. Pourquoi dans les gangs, dans les groupes, même chose. Les jeunes se donnent un autre nom. Quand on se rend compte, c'est avec l'autre nom qu'on marche. Hein? Les Hells Angels, en exemple. Jerry. Ouais, mais tu sais, c'est machin, clic, clic. Bon, tu sais, Jerry Connor Tremblay. Quand ils se rencontrent, ça s'appelle par ce nom-là. Nécessairement, le gars devient top, le gars embarque, le gars, et puis le reste. Quand sa mère le voit, l'appelle par son autre nom. Il vient, tu sais, le gars s'infecte, la mère promène comme qu'elle veut. Mais quand on lui donne l'autre nom, faites. Engueule-le sous son nom de famille, là, son nom, son prénom de baptême, tu peux être en colère. Prends son nom de moteur, puis engueule-le. Là, fais-tu toi tailler une chemise dans le bal ou quelque chose. Tu branches l'autre dans un autre état psychologique parce que tu as sujet ton âme à un autre égrégore. Et l'autre égrégore, qu'est-ce qu'il doit être? Ben, il doit être créé par chacun d'entre vous. Vous savez ce que vous voulez. C'est intelligent et utile pour vous. Ben, à un moment donné, l'homme doit se trouver un autre nom, si possible, qui n'a jamais existé. Puis il doit commencer à mettre de l'énergie là pour ça. T'as là une personne qui vient me voir. Elle me dit qu'elle a un mantra puis que là, elle a décœuré son mantra. Normal, le mantra, la sujetrine égrégore avec lequel elle ne vibre plus. Donc, elle doit changer de mantra. C'est quoi son mantra? Ça devrait lentement être son nouveau nom. Bon. Si on regarde au niveau du PMC, tu as une forme, disons, de, une suite. On a déjà parlé un peu en conférence. Où l'être humain apprend à placer une énergie nouvelle dans un égrégore qui n'est que pour lui. Là, il place le trésor dans son ciel. À un moment donné où il en a besoin, il peut s'en servir et ça le replace à un niveau de compréhension mentale. C'est important. L'égrégore divin ayant été créé à partir de l'énergie émotive, lorsque l'humain est pris de l'émotion qu'il a, il n'a pas de lucidité. Parce qu'il voit clairement, il est en même temps envahi d'amour et de bon d'émotion. Sauf que cela colore les choses. Lorsque l'être humain bâtit un égrégore mental dans le monde de la mort, dans l'astral, il le bâtit avec une voix mentale, telle que j'ai présentement. Il y a beaucoup d'individus qui trouvent que je n'aimais pas beaucoup d'amour. Parce que justement, je ne tiens pas à soutenir les gens par ce phénomène à moi. Et deuxièmement, je préfère placer une autorité plutôt mentale qui permet aux individus de pouvoir suivre d'une façon plus dégagée. Ce que je dis, ce que je compte. L'individu doit donc arriver à pouvoir aborder son phénomène d'une voix mentale. Cela veut dire qu'il devra avoir un nom. Et ce nom-là, il pourra le divulguer qu'à ceux qui sont capables de le prononcer mentalement. Autrement dit, si ton autre nom est René, tu devrais me le révéler lorsque tu seras convaincu qu'un jour, j'arriverai pas pour dire « C'est ça, René, hein? Fais la part avec elle! » Me servir de cette clé-là pour faire chier ton ego. Le jeune qui s'est misé dans les scouts, il ne devrait jamais donner son nom de thème à ses parents. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont pas éducateurs. À un moment donné, quand on veut manipuler l'enfant, puis l'enfant n'écoute pas, puis l'enfant est tannant, ils vont prendre son nom de thème pour le faire chier. Et l'enfant va brailler, il va être malheureux, puis il va s'exécuter. Alors le nom que tu développes, ton autre nom, tu dois le révéler qu'à ceux qui sont capables de s'en servir au niveau où tu veux qu'ils s'en servent. Autrement, on fera le don collectif. Vous avez des questions? On fait une pause une demi-heure. Vous les écrivez sur des papiers qui sont en bas pour ça. Et puis, on va y répondre en revenant. Merci beaucoup, Daniel. Il y aurait une personne qui a une fontaine à Christiane Gris devrait être déplacée.